pour vous. Puis quand pour vous ça marche, puis l'autre ça marche pas, ça regarde l'autre, pas vous! Émotivement, on se fait charrier, on veut aider l'autre. Mais le temps que vous perdez à l'aider, quand c'est pas son temps d'avancer, vous, vous ralentissez votre temps. La souffrance, c'est une merde. Lorsque l'être humain comprend un peu plus cette mécanicité, on peut parler de se libérer de la souffrance. La semaine prochaine, on parle de la souffrance, sauf qu'il faudra s'attendre à ce qu'il y ait encore des termes un peu nouveaux, et on va s'en aller dans quelque chose. Ce soir, on était vaste. La semaine prochaine, on est directement dans la souffrance, la mécanicité, d'où ça vient, et comment elle vous fout, comment elle vous manipule. Évidemment, on peut comprendre intellectuellement le phénomène de la souffrance, la semaine prochaine, mais je crois qu'il y aura suffisamment d'énergie pour qu'on cellularise des choses. En attendant, souffrez si ça vous plaît. Riez de vous si ça vous plaît. Passez une semaine intéressante. Merci, Daniel. Je regardais pour la fin les explications d'une nouvelle offre qui commence ce soir au centre. Ceux qui l'ont remarqué, à l'entrée, ce soir, il y avait un tableau comportant quatre titres de conférences précédentes de Daniel Kemp.